Salut Zachro, c'est le Big Ben. Juste un gamer. Tester Alpha. Joe. Salut QC. Bon, ils viennent encore de scraper ça. Non, mais c'est compliqué, hey, d'habitude là. Antithèse, il est toujours là. Oui. Puis là. Bref, c'est rendu compliqué, là. Non, c'est comme dans une convention collective, ok? Ça va du plus ancien au plus jeune. C'est bon. Il n'est plus jeune, c'est celui qui a la plus grande barbe ce soir. Ouais. Alors, désolé. C'est pas grave. Comment ça va, les gars? Ça va, mon père? Code 9? La routine? Pas grand-chose, je te dirais. Bien occupé. Fatigué de mon voyage en Alberta. Yish. Désolé. Un beau 2 heures de décalage. Fait que, faut que je rattrape ça. Ah oui, c'est 2 heures quand même. Ouais. On est désolé pour ça toi. Ça fait la différence. T'es désolé pourquoi? Parce qu'il a enduré les Albertains pendant des semaines? Parce que... Il veut pas manger de la merde de son boss? Peut-être. Ah, peut-être, hein? À quoi vous jouez récemment? Ces derniers temps? Hearthstone? Mm-hmm. Est-ce que vous m'entendez mieux? La voix que vous avez entendue présentement est la voix de Julien Matern. J'ai dit bien ton nom de famille, j'espère. Matern, Colin. Pas loin. C'est le prof. Tu le prononces comme après tous les Québécois. C'est parfait. Ok. Je vous présente Julien Matern qui va rester avec nous pour le podcast parce qu'il y a quand même il va nous parler d'une convention qui va être vraiment malade cette année. À la Bombe City! Avant ça, on va juste finir le tour de table par rapport à ce qu'on a joué récemment. Alpha dit Hearthstone, Jug a ri de sa gueule. Alors, Jug, tu joues à quoi? Je joue à Kenshin Dragon Quest. Shadow de ton côté? Ah, je fais juste tester plusieurs jeux, c'est en site, dont Rust, Loadout, puis Prison Architect. Et Joe, de ton côté, t'as-tu le temps de jouer un petit peu? Ouais, moi de mon bord, j'ai continué à jouer sa bêta de Wildstar, puis je me suis acheté Broforce en fin de semaine. Ok. Jeu vraiment écœurant, je vais vous en parler plus tard, là, mais sérieusement, si vous voulez avoir un jeu 8 bits basé sur tous les films d'action des années 80 puis 90, c'est le jeu qu'il vous faut, c'est écœurant. Et Julien nous présente présentement une figurine de Joker. Alors, est-ce que je présume que tu es en train de jouer à Batman? Un peu, mais je dirais que c'est assez à ma grande honte ou pas honte, à fierté, je suis en train de jouer à WWE 14. Hey, respect! Bon, j'écoute pas la lutte, mais c'est pas grave. Pas grave, les meilleurs jeux de baston, c'est toujours les jeux de lutte, tant qu'à moi. Ça là-dessus, on n'a pas notre antithèse naturelle. On pourrait s'estiner, ouais. on pourrait s'estiner là-dessus. De mon côté, Hearthstone. Oui, ah ouais, j'ai pas mal aussi. Oh oui, écoute, je suis rendu niveau 21. Quand j'ai réussi à gagner, c'est parce que j'ai réussi à sortir Onyxia. Sinon. Bon, ben, on va être dû pour un match-up, toi et puis moi. Ouais, hein, faudrait faire ça. Casse à la gueule, man. Ouais, je revois le level, je suis rendu parce que. Ah ouais, Alpha, rachète la tête avec les dents. Alors, oui, probablement. Surtout que Alpha est un fin stratège. Alors. Fin stratège. Oh. Mais pas assez pour pas dormir dans la même chambre que Beta. J'avais pas le goût de payer ma chambre d'hôtel. C'était une la stratégie derrière. Vu de même. Parlant de convention, on a Julien qui est avec nous qui va pouvoir nous parler du fameux Geekfest Québec. Écoute, Julien, je t'ai invité ce soir parce que, premièrement, je suis très fibrile à l'idée d'aller au Geekfest Québec, mais qu'est-ce que ça va de l'air, Geekfest Québec? Ben, Geekfest Québec, un peu, ce qu'on va en faire, c'est une convention généraliste, on va le dire comme ça. C'est un peu le 2 jours de paradis du geek. Si c'est geek, on l'a probablement. mon alpha. Yeah! Mais, ça pour dire que, dans le fond, l'idée vient un peu de l'histoire de GeekFest Québec, pour en faire un résumé. Dans le fond, c'est la gang GeekFest Montréal qui a approché une partie de l'ancienne gang de Cap et Kimono, pour ceux qui connaissent à l'époque. Une couple des autres qui ne savaient pas trop quoi faire, qui avaient encore moins de jugement qu'avant, j'imagine. Puis qui a décidé de se relancer une nouvelle aventure qui est GeekFest Québec. Donc, on a GeekFest Montréal et GeekFest Québec maintenant. Mm-hmm. Les deux conventions runnées par un espèce de, on va dire, at large, Dream Team Québec-Montréal. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Montréal-Québec. Qu'est-ce que tu veux dire par Dream Team? On s'attend à des clubs, non? Je veux dire que côté organisateur, il n'y a pas grand monde chez nous qui n'a pas au moins deux ou trois conventions dans le corps. OK. Donc, on a une équipe assez solide, je dirais. T'sais, on a JP Cardin à Montréal, Phil Lancette, qui c'est des membres de GeekFest qui ont été aussi dans Concept. Il y a moi, Gabriel Lévesque, une partie de l'enseignant de Cap et Kimono, pas au complet, parce qu'il y en a qui a plus de jugement que nous, je le répète. Ils veulent pas se lancer dans une histoire aussi folle que GeekFest. Alors, une convention, c'est de l'énergie. C'est quasiment une deuxième job à temps plein dans les derniers mille. Je dirais, les derniers six mois, c'est une grosse job. On a aussi beaucoup de support de la gang de Gatineau de Janimé, que je salue en passant. Sinon, en tout cas, la petite histoire étant ça, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de bien? Qu'est-ce qui nous regroupe en tant que tel? Qu'est-ce qui manque? Il manquait, on a les conventions de comics, on a les conventions d'animé, on a des événements jeux vidéo. Qu'est-ce qui manque? C'est une espèce de hub où c'est que tout le monde peut venir partager leur passion, dans le fond. Autant les gamers sur table, sur plateau, les GNE, les fans d'anime, les comic bookers. Tu sais, des fois, ça arrive comme moi de sortir de leur sous-sol. Ça arrive de temps en temps, ouais. Ça m'arrive des fois, tu sais, il faut que j'achète des comics une fois de temps en temps. Ouais, puis du Windex. Aussi. Donc, le but derrière ça, c'est de regrouper un peu tout le monde, puis donner un bon show pour qu'on puisse s'amuser. On a pris aussi beaucoup de Q, on est allé à New York Comic Con, on a vu comment un peu les choses se faisaient ailleurs dans les plus gros événements. C'est sûr qu'on ne clame pas au effort et... être au niveau de New York Comic Con cette année, on va atteindre, je crois. Mais le but étant, dans le fond, de toujours avoir un peu plus de fun, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une convention par les fans, pour les fans. On veut avoir du fun à faire, puis on veut surtout que vous ayez du fun à venir. Donc, ce que vous attendez à voir qui fait, c'est voir du cosplay. Ça, c'est sûr. C'est ça, on a une mascarade tout à fait, comme dit, légitime et à niveau. Mm-hmm. On a un événement qu'on amène qui est exporté des États-Unis, qui est la grande bataille du cosplay, où est-ce que, dans le fond, des cosplayers vont avoir un peu improvisé. Le but du jeu, c'est une espèce de dish battle entre deux cosplayers improvisés, où c'est qu'il faut dire pourquoi leur personnage est meilleur que celui-là d'en avant. Comme moi, je suis Captain America, ben moi, j'ai maudit un coup de poing d'en face à Éclair. Toi, t'as fait quoi? À partir de là, les juges déterminent et font avancer dans le tournoi le cosplayer qui a, pas seulement le meilleur costume, mais qui l'a le plus. Julien, je te bats en passant, hein, j'ai frappé Beto une fois dans ma vie. Ah, c'est parfait ça. Ouais, mais qui n'a pas fait ça? Je me suis retenu à Janimé, je veux dire. Jug l'a pas fait pendant qu'il dormait. Même moi, j'ai frappé Luc Biron, donc. Et on salue Luc en passant. Salut Luc! Mais ça pour dire qu'aussi, on a d'autres éléments qu'on essaie d'amener en importation aussi, qui est l'espèce de débat, qui est le combat des geeks. Dans le fond, c'est qu'on va avoir deux équipes de geeks, on s'est dit, qui vont débattre d'un sujet X. Cette année, on s'est dit, quelle est la plus grosse pomme de Discord qu'on pouvait trouver chez les geeks à part Apple et Microsoft? Ben, on s'est dit, ou Android maintenant, c'est rendu un three-way à cette heure. Donc, on s'est dit, ben, Star Wars contre Star Trek. Ça devrait pas être trop dur de trouver deux teams de gars qui veulent s'assassiner sur Star Wars et Star Trek. Déjà, GeekFest Montréal, c'est une gang de Trekkies. GeekFest Québec, c'est une gang de Star Wars. Pourquoi, je le sais pas trop. Est-ce que tu pourrais avoir des body bags? Oui. Okay, honnêtement, j'ai un ami ambulancier qui risque de traîner dans le coin juste au cas où. Très bonne idée, je pense. Bien certainement, il risque d'avoir des contendants sur la table de débat. Je dis ça de même, hein. Puis je te dis aussi, si jamais tu veux acheter un autre saut pour JP Cardin, je pense que c'est du extra large. Salut JP! Salut JP! Ben oui, c'est quoi ce plugage-là de... J'ai qu'un JP Cardin, c'est ça. Ok. C'est mon homologue, mon montréalais. Ouais. Et vu qu'on a un JP Cardin dans notre groupe, en la personne de Joe, moi j'ai dit que Joe a la plus belle barbe que JP Kardec. Bon. Ce serait à débattre. C'est pas une autre émission. On pourrait partir un débat, écoute. On pourrait partir un débat au Geekfest Québec, ça serait drôle. Mais pourquoi pas? Si okay. Assez de temps et de survivants après Star Wars contre Star Trek, pourquoi pas? Qui a la plus belle barbe? Ok, bonne idée. Ça me donne, ça me donne au moins 6 mois, mais la laisser pousser en même temps, fait que ça peut... C'est bon. Puis quelle autre activité on peut s'attendre là-bas? C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de panels, de conférences, de membres de l'industrie. Sinon, on travaille beaucoup pour avoir, je ne peux pas encore nommer de nom, mais pour avoir des gros noms de l'industrie du jeu vidéo. On travaille aussi pour avoir de l'indépendant. On va avoir des invités assez importants comme Jonathan Roberge, le podcasteur et humoriste bien connu de Pour Fiston et Contre de Gars qui va être là pour un Q&A le samedi et une séance de signature. On travaille aussi sur un podcasteur français que je ne peux pas encore nommer. Et non, ce n'est pas le joueur du grenier. Ce serait un peu cheap, un an après 6 mois après déjà animé. Ouais, on peut faire une même affaire. Mais ce serait le fun de m'emmener. Ben oui, pourquoi pas. Ensuite de ça, il va y avoir du combat de GN, une arène de combat de GN qui va être fournie par la gang de Belenos. On travaille aussi un concept avec le pub ludique La Revanche pour faire un mini-pub ludique dans le Geekfest. Donc, personne de 18 ans et plus qui désire boire des breuvages alcoolisés, ce sera possiblement possible. Et oui, c'est un oxymoron. Faites attention pour tasser de côté JP Gardin. C'est quand même lui qui a vidé la moitié des bouteilles au Geekfest Montréal. Oh que oui! Juste à titre d'information. À titre informatique, j'étais là aussi. Et en tant que produit québécois, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Comme dit Jonathan Roberge, on va s'attendre aussi, comme dit, à toute la communauté locale. On voit Geneviève Lahaye qui va être cosplayer, qui a gagné le Iron Week, qui est un tournoi au niveau du cosplay pour savoir qui fait les meilleures perruques. En tout cas, c'est pas planétaire, mais c'est assez international. Donc, on a elle. Que je salue d'ailleurs. Bonjour Geneviève. Dans le local, bien sûr, comme dit, la mascarade, le concours d'AMV aussi que je vais annoncer. On a un concours d'AMV avec probablement, possiblement, pour ceux qui ne connaissent pas les enlever, c'est Anime Music Vidéo. C'est un montage musique sur vidéo. On fait un vidéoclip, dans le fond, pour les non-initiés, qui va avoir ce coup-là, pas seulement de l'animé, mais on veut aussi un segment live action. Donc, si vous voulez faire un AMV de Rambo ou de Robocop, je lis ça de même, ou de jeux vidéo même, vous pourriez y aller. Est-ce que vous pouvez bannir ceux de Twilight, s'il vous plaît? Oui. Oui. Merci. D'ailleurs. Si quelqu'un ose mettre du Twilight, je crois que je mets le feu dans le DVD. Et c'était enregistré au podcast des accros en passant, fait que... J'ai parole. Le directeur de production de Geekfest Québec va officiellement mettre feu à tout DVD de Twilight qui rentre dans la convention. Parfait. Je pense que j'ai amené les sous de ma blonde, ça va être drôle. Merveilleux. C'est toi qui t'assines avec, par exemple. En passant, on voit la blonde à Shadow qui est juste derrière, elle fait comme « Quoi? » si vous voulez poser des questions à Julien, vous pouvez le faire directement live en ce moment dans le chat et je vais retransmettre les questions directement pendant le podcast. Autre chose, ce qui vous intéresse probablement en plus, on va essayer d'avoir une belle salle de jeux vidéo avec les consoles rétro et récentes. On est en négociation sur de quoi là-dessus. Fait qu'on peut encore rien annoncer. Donc, soit on a une salle de jeux vidéo ou un mini-événement, dépendamment de ce qui se passe, mais il va y avoir une belle salle de jeux vidéo et même deux belles salles de jeux sur table et bien sûr des tournois de cartes Magic et Vanguard fournis par nos amis de chez Free Game. Plug. Oui, à ce soir, on risque de plugger énormément. Ouais. Puis d'ailleurs, on a aussi des démonstrations de Wargame. Pour ceux qui ont voulu essayer soit du Game Workshop, comme du Warhammer 40K ou du Warhammer Fantasy, ou que ce soit ce que moi je joue à du War Machine ou des trucs comme ça, il va y avoir des démonstrations de Wargame par la gang des Découvertes de Jeux, qui est une nouvelle boutique à Québec qui est beaucoup basée sur le Wargaming. Okay. Donc, il va y avoir ça, des démos de Wargaming. Évidemment, la salle marchande, pour ceux qui aiment beaucoup magasiner les conventions, on sait que chacun son truc, il y en a qui aiment prendre des photos, il y en a qui aiment aller au panel, il y en a qui aiment ça, acheter des affaires. Vous pouvez acheter des affaires au Geekfest. Et côté YouTuber, qui vous allez recevoir cette année? Alpha et Beta. Premièrement. Ensuite, on va avoir Ludic. Je n'ai entendu parler vaguement. Je pense que j'ai croisé une activité à Janimé, moi aussi, je suis plus sûr. Ouais, là. Ouais, c'est fait que moi, j'étais bien bon, eux autres étaient bien. Eux, ils ont mis leur texte, là. non. il va y avoir Luduc, comme s'il va y avoir Jonathan Roberge, aussi, qui est pour Fiston et contre de gars. Pour ça, on va encore sur d'autres podcasteurs. Il va y avoir la gang de puissance maximale, qui est un peu votre pendant de Québec, qui fait beaucoup de podcasts audio, dont je fais partie. Encore une fois, Shameless Plug, demain, on a le podcast en direct, puissance maximale. En échange, tu fais une plug de macro sur ton podcast. Je fais ma chronique BD à l'habituel. Ah, je veux t'entendre. Tout à fait, je vais vous plugger dans ma section de vidéo. C'est bon. Les accros seront plugués demain à puissance maximale. Mike Andrew, je m'excuse, je n'ai pas le choix. Ensuite. Et... Tu peux continuer, Julien. Ensuite, nous, podcasteurs, on travaille sur des podcasteurs français. On ne dit pas qu'on va les avoir, on ne dit pas qu'on va les avoir toutes, mais on travaille dessus. Donc, pour ceux qui sont amateurs du type de podcast qu'ils font en Europe, ça peut être très prometteur. Puis, on travaille aussi déjà pour l'an prochain à ce niveau-là. OK, donc, il va déjà avoir une édition. Non, vous allez être aussi présents. On voit au long terme. On espère, c'est sûr. Les accros seront présents lors du Geekfest Québec en juillet. Oui. Je peux confirmer pour ma présence à moi, en tout cas, et celle de Marie-Lune. Je vais être là, j'habite ici. Il va falloir qu'on trouve une chambre, on n'est pas trop sûr si on mène un placard ou encore du béta. Mettez béta dans le placard, en fait. Un coffre-fort. Permettez-moi de dormir, de grâce. Un coffre-fort, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon ça. Une vieille caisse pop pas loin. Côté deal avec les chambres d'hôtel, est-ce que vous en avez présentement? Vous êtes en négociation avec des chambres d'hôtel ou... Pas pour le moment. Le problème avec GeekFest en ce moment, c'est qu'à cause des dates, des possibilités de location, du cégep où c'est qu'on est et des autres autour, c'est qu'on en tombe en plein festival d'été. Donc, je conseille à tout le monde qui descendent et qui n'ont pas de deal avec GeekFest parce qu'ils ne sont pas invités. Je parle de festival en général. C'est pas qu'on vous aime pas, mais... c'est que vous êtes peut-être mieux de prendre d'avance sur le fait que le festival d'été va battre son plein pendant ce temps-là, ou du moins commencer. C'est dur d'avoir des deals de groupe de chambres d'hôtel à ce moment-là. Surtout qu'on n'est pas dans un hôtel, c'est au cégep de Limoilou. Ce qui, d'ailleurs, je tiens à préciser, c'est pas le cégep at large, c'est vraiment un endroit bien restreint, une aile qui est à nous autres pour la fin de semaine au complet. On a un gymnase qui va servir de salle de marchand et de salle de jeu de cartes. La salle Sinoliev qui fait assez jusqu'à 650 personnes et 6 salles de classe, ce qui doit être amplement suffisant, sur 2 étages, très bien fermé. Donc, aucun problème, personne ne va se perdre là-dedans. On ne risque pas de mourir en masse de place. De place là. C'est ça que tu es en train de me dire, là? Non, vous risquez pas de vous perdre dans les dédales, un peu comme je suis sûr que tu viens des premières années de Tacuton à Concordia, où c'est que c'était sur 7 étages. 20 locales. C'était assez intense les premières années. Les deux premières années de Tacuton, je me souviens, c'était assez intense. C'est pas de leur faute, c'était ce qu'il y avait parce que c'est le club ennemi de Concordia qui était un peu derrière ça à l'époque. Dans Tacuton, on fait toujours un très bel job. Mais c'est ça, on ne vous aurait pas à ce niveau-là ce problème-là. L'avantage, c'est que ça nous permet de grandir. Car oui, on prend seulement 6 classes, mais qu'est-ce qui nous empêche d'en prendre 12 l'an prochain? Oui, comme disais, on pense à long terme. Éventuellement, GeekFest Montréal, GeekFest Québec, possiblement, éventuellement, pourquoi pas un GeekFest Stratford Mines. Est-ce qu'on a donné les dates de cette année? Pour Québec? Oui. 5 et 6 juillet. Excellent. On met ça à notre agenda. Vous allez rencontrer plusieurs accros des jeux qui vont se retrouver au GeekFest Québec. En tout cas. Et si vous voyez Beta avec des bleus, demandez-vous pas pourquoi. Il a passé la nuit avec Joe. Peut fournir le tranquilliseur ici à Rhinocéros, au pire, ça peut faire partie du deal. J'ai un bâton de génère, je peux le frapper avec ça. Je dirais pas non à ça, moi. On a des... j'ai des questions de la part du public. Ils nous demandent... Philippe Saint-Jean qui nous demande, est-ce qu'il va y avoir des doubleurs en invité spécial au GeekFest cette année? C'est encore une chose sur qu'on travaille. On n'a pas encore fini la liste des invités. On travaille sur quelques surprises. Ce sera annoncé dès que possible. OK. Puis ici, on parle... Je suis content, ça. Vas-y. Je crois qu'il y a du monde qui s'intéresse aux doubleurs. C'est le fun d'entendre. Oui, c'était très intéressant. Moi, ça serait le gars qui fait la voix de Jonah Hill, que j'aimerais bien, qui était au Janim l'année passée. Je m'en rappelle plus de son nom. Ouais. Pourquoi pas? Luc Biron, pourquoi t'es pas là quand j'en ai besoin? Luc Biron, une question. Luc Biron m'aurait répondu tout de suite. Ben bon. On a également beaucoup de commentaires disant comme quoi que le monde aimerait beaucoup avoir Antoine Daniel comme, comme podcaster. Colin. Oui. Ça, ça serait hot. Ah, moi, je ne peux pas m'avancer là-dessus de ma réponse disant ce que vous en voulez. Ben, je vais faire comme la mère de Québec. Ça serait... On part une rumeur, la gang! On part une rumeur! Alors, je ne m'avance pas là-dessus! Et si ça n'arrive pas, je peux vous donner l'adresse de Julien personnel. Non, c'est une joke. On adore Julien. Surtout qu'il est fun. Il va rester avec nous autres ce soir pour la discussion sur le Dreamcast, finalement. Et, la mal-aimée des Sega. C'est pas la mal-aimée, c'est plus... Oui. Moins plus que la Saturne. Plus d'amour que la Saturne, mais c'est une longue histoire derrière ça. Non, il y a une longue histoire. On va pouvoir en parler un petit peu plus tard. Puis, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au GeekFest Québec. Oui, pourquoi que je savais pas que ça existait. ça fait 5 ou 6 mois qu'on commence à travailler sur le projet. Avant, ça n'existait simplement pas. Il y avait seulement GeekFest Montréal. GeekFest Montréal était en hiatus pendant près d'un an et demi avant de revenir. Là, cette année, ils sont encore en mini break. Du moins, ils prennent leur temps à préparer la prochaine édition, vu qu'on veut mettre plus d'énergie dans GeekFest Québec pour le starter et après aller dans GeekFest Montréal, puis ensuite faire 1-1. À tous les 6 mois, en tout cas, on verra la formule rendue là. Sûr que, étant une nouvelle convention, on repart un peu de zéro. Donc, c'est sûr. Pour faire parler de soi, au début, ça va être Facebook. Mais plus ça va aller, plus on va avoir des annonces. C'est sûr que plus on va avoir des sous, plus on va en parler. On va essayer de se faire parler de nous. Mais côté financement, vous allez faire des activités spéciales. Je sais que GeekFest Montréal, oui. Il a fait certains... Des GeekFest Nano, ouais, des visionnements Doctor Who et compagnie. Oui, on a du monde qui travaille là-dessus. Je crois qu'il y a un dîner spaghetti en cosplay qui se prépare. Oh. Puis quelques activités du genre. Ça va être annoncé probablement sous peu. Je ne vais pas mettre de pression à personne. Mais c'est en travail. J'ai quelques personnes qui travaillent sur des concepts. OK. Puis tu viendras en discuter au podcast des accros. En tout cas, c'est ouvert. Mais bien sûr! Est-ce que vous avez d'autres questions pour la gang? Rapidement, comme ça, non. Peux-tu nous parler des boutiques qui sont confirmées là-bas? OK. On a Découverte Jeux, qui est une boutique de jeux de société à Québec ouverte. Free Game, qui va être là aussi pour les jeux de cartes et les jeux vidéo. J'ai le Griffon Bleu, qui est un magasin de jeux vidéo. De rétro un peu plus. J'ai le Carte Magica, qui est là, comme on parle partout ailleurs. Très, très gentil, les gens du Carta, d'ailleurs. Ensuite, j'ai beaucoup d'artistes. Faut que je regarde ma petite liste, excusez-moi. Vous me promenez au débrébut, comme diraient les bleus. Ce moment d'attente est présenté par... Jug, vas-y, c'est ton bout. Jeux Rétro Révo, c'est la boutique en ville pour vos jeux rétro, que vous soyez collectionneur ou gamer. Merci, Jug. J'ai promis à Kenny Machine de le faire, fait que je l'ai fait. Mais ça, j'ai plusieurs aussi personnes qui ont réservé. Par contre, j'ai pas encore de confirmation en tant que telle. Donc, pour l'instant, je dirais que c'est une possibilité d'un peu plus d'une quarantaine de tables. Vu qu'on ne veut pas abuser, qu'on ne connaissait pas encore les résultats qu'on va avoir cette année, on attend, je dirais, me fiant sur les chiffres qu'on avait à Cap et Kimono à l'époque et les chiffres de GeekFest, environ entre 750 et 800 personnes pour une première année. À Québec, c'est quand même bien. Je dirais que je ne voulais pas non plus saturer les marchands, les artistes. Donc, sur une quarantaine de tables, pour l'instant, j'en ai une trentaine de réservées ou vendues. Génial. Donc, je dirais 25 à 30 artistes en ce moment. Moi, Julien, je peux te donner une exclusivité parce qu'il l'a annoncé lui-même sur son Facebook. Michael Larouche va être également présent lors du GeekFest Québec. Oui, bien sûr, avec son ancien compère Luc Biron, mais pas pour Janine. Mais ça va être pour le temps aussi qu'il fait de l'émulation de jeux vidéo ensemble. Mm-hmm. Tout à fait. L'émulation et la traduction des jeux vidéo ensemble. Ah, ils étaient ensemble là-dedans, ok. Ouais. Ben, Luc, pour ceux qui ne savaient pas, on trempe à peu près partout. Oui. Il y a des ramifications. Il y a des grands-là nationales. Oui, il y a des puissances un peu partout. Il sait où aller. Il y a des connaissances partout. C'est un homme qui sait tirer les ficelles d'une habile façon. Ouais, et qui fait une très belle convention de G-Anime pour ceux qui ne sont pas encore allés. Mm-hmm. D'ailleurs, je même, il y a des beaux gars comme moi, tu sais, et Alpha qui sont là souvent, des beaux spécimens masculins qui remplissent le show et l'atmosphère. De la vocation du direct. Ce moment de malaise est présenté par... Je rétro révo. Le veux-tu, mon pourcentage? Ah, ça va pas la fois que j'ai créé un malaise en nom de l'Alphonse Maxime. J'ai dit, je vais vous dire quelque chose, les gars. Moi, World of Warcraft, là, j'aime pas ça. Oh! Ah, t'es pas tout seul! T'es pas tout seul! Une bombe! Oh. Mais non, on vous aime pareil, je vois de World of Warcraft. C'est l'en rien. Bon, hey, on embarque-tu dans les nouvelles? Ouais, faire sure. Let's go. Ouais, let's go. Allons-y dans les nouvelles. Alors, vous savez cette semaine qu'on a eu un Nintendo Direct? Oui. La semaine passée, on a eu beaucoup, beaucoup de nouvelles. NES Remix 2! Ouais, quand on commence par NES Remix 2. Alors, c'est quoi NES Remix 2, mon cher Jug? NES Remix, c'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est dans le fond, ils ont pris les vieux jeux que Nintendo a fait, ils ont fait des genres de trucs rapides, là, pas que la Triforce en 10 secondes, puis des trucs machin, là. Et c'est super le fun, c'est super excitant, c'est full challenging. Là, ils sortent le 2 en avril, j'ai très hâte, vous allez voir, c'est bon. Si vous ne savez pas c'est quoi NES Remix, c'est allé sur la eShop dès maintenant, vous procurer. Il va être au prix de 14,99$. Il devrait sortir le 25 avril. Et il offre en même temps le jeu Super Luigi Bros. Et qu'est-ce que Super Luigi Bros? Eh bien, c'est Super Mario Bros 1, mais qui joue à l'envers avec Luigi. À l'envers? Oui, c'est au lieu d'aller de droite de gauche à droite, ben vous allez de droite à gauche. Puis ah bon? Ça... Alors, ça va être le meilleur moment pour vous de jouer à ces... de retenter des expériences avec vos anciens jeux 8 bits. C'est cool. Ça risque d'être malade. Également, on a eu d'autres nouvelles. Côté Yoshi New Island, on a pu voir des images de gameplay du nouveau jeu et on a pu également voir des nouvelles habiletés. Ouh, tu vois que Yoshi est capable de chier un œuf qui est à peu près 5 fois plus grand que lui puis qu'il est capable de le pitcher pour détruire des murs. Merci Yoshi de nous apprendre. Je suis un client convaincu. J'achète mon écran, mais il n'y a rien. Alors, pour ce petit moment d'inconfort représenté par Geekfest Québec. On est bon là-dedans. Ok, oui. On a également eu des nouvelles pour Mario Kart 8. On a su que les couplings vont être également jouables lors du prochain Mario Kart. Donc, vous allez avoir 7 nouveaux personnages qui sont Iggy, Larry, Lemmy, Liquid, Morton, Roy et Wendy. J'ai l'impression d'avoir sorti des noms de restaurants de burgers des États-Unis. Et le jeu va être disponible le 30 mai. Alors, en tout cas, je peux vous dire une chose. Le 30 mai, les accros risquent d'être pas mal devant leur télé. En tout cas, moi, c'est sûr, j'ai mes copies. Super Smash Bros. Lil Mac. On a Lil Mac qui s'en je vient. Je suis content. Ben, est-ce que vous avez trouvé ça malaisant de voir que le premier personnage que Mac punch d'en face, c'est Samus Aran? Il punch une pique. Tu sais, c'était comme... OK, pourquoi pas Mario? Je pense que Mario... Je pense, en fait... Je pense que c'était pour comparer les grandeurs, parce que Samus Aran, je pense c'est la plus grande. Enfin, c'était pour le comparer, genre, parce que Mac, c'est le plus petit character. Il est aussi grand que genre Pikmin, Olimar, puis Pikachu, ouais. Genre. Mm-hmm. Il est vraiment petit. Il est vraiment, vraiment petit. Oh my god, ok, ouais. Fait que c'était juste étrange de voir Samus se faire buncher de l'autre part. C'est comme violence conjugale, quasiment, tu sais. Hey, on appelle ça l'égalité des femmes entre hommes. Alors, si vous avez une lettre de plainte, vous l'envoyez à Jug. On a une boîte postale en passant. Je peux vous les faire parvenir à lui sans problème. Autre nouvelle concernant le Nintendo Direct, il va y avoir des jeux Game Boy Advance qui vont arriver sur Wii U à partir du mois d'avril. Ça, je trouve que c'est une maudite belle idée. Hey, on va pouvoir jouer à Golden Sun. Est-ce que je vais pouvoir trouver Golden Sun et le jouer? Moi, je vais pas jouer à Mario et Luigi Superstar Saga que j'ai jamais touché de ma vie encore. Mega Man Zero aussi, c'est très bon. Mega Man Zero, c'était bon ça. Ouais, c'était c'était super rapide, c'était le fun. Mais ça, on pourra jouer à Jurassic Park Builder, ça va être parfait. À quoi? À quoi? Ouais. Le moment de malaise est présenté par Julien lui-même. running gag, c'est drôle. Également, on a eu d'autres nouvelles concernant... ils nous ont présenté Mario Golf, je m'en fous un peu. Ils nous ont présenté Kirby sur 3DS. Je trouve cool. Deluxe. Oui. Je trouve cool. Hein, Kirby, il est cool. Kirby, il est rose. Kirby, il est rose, ouais. Une grande révélation ce soir, Kirby est rose. Moi, je déteste le rose, mais Kirby, c'est comme, genre, t'as pas le choix d'aimer. Alors, autre nouvelle, on va s'éloigner un petit peu de Nintendo pour faire plaisir à Jug cette fois-ci. Ouais. Les Skylanders, on va parler de Skylanders. Non, mais il n'y a rien au Toy Fair. Non, mais on a eu une nouvelle comme quoi qu'ils ont vendu pour plus de 2 milliards de revenus. Ben oui, je sais, c'est rendu la 10e franchise de jeux vidéo la plus vendue au monde. Non, mais tout cet argent-là, ça vient de Jug anyways. C'est ça. Hey, j'en avais de l'argent! cet argent-là, j'ai essayé de payer une chambre au GNM au lieu de coucher avec des gars dans la même chambre. Alors, juste pour dire que Jug a financé pour plus de 2 milliards de dollars dans Skylanders et qu'il est prêt à vendre son rein prochainement pour une personne intéressée ou plus offrant. Continuez à acheter des Skylanders qu'il y a déjà. En passant, si vous avez un compte Kickstarter, vous ferez peut-être mieux de changer votre mot de passe. Ouais. Kickstarter s'est fait pirater. Ils disent que les informations de carte de crédit n'ont pas été touchées, mais vous ferez mieux peut-être de changer votre mot de passe. Moi, c'est fait, en tout cas. Moi avec. Moi aussi. Autre nouvelle concernant un jeu de société, Assassin's Creed. Ouais, j'ai vu ça l'autre fois. Jeu de société. Oui. On va pas de risque à la mode. Je sens un prochain vidéo avec la gang des accros à Assassin's Creed sur Terre. Ça s'enligne pourquoi la date de sortie du jeu? En ce moment, mais je vais d'abord dire que les informations oui, que je vois. Oui, oui, oui. Le jeu est créé par la société Cryptozoic. C'est eux autres qui se sont occupés du board game de Walking Dead. Et c'est inspiré de Assassin's Creed Revelation, où on va prendre la direction de Constantinople, où on va contrôler des Templiers. Puis le but, ça va être de détruire tous vos adversaires dans le jeu. C'est un jeu qui va jouer à 4 personnes. Cool. Et on dit que la date de sortie devrait être le 26 février. Et le prix suggéré est de $50. Oh! Intéressant. Alors, pour les tripeux de Assassin's Creed, ça peut vous être intéressant. Ça peut être intéressant pour vous autres. Je vise en particulièrement une geekette de notre qu'on connaît qui s'appelle Kara. Hein, Kara? On pourra faire ça avec elle. C'est indécent. C'est indécent. Ma foi qu'elle vient au GeekFest Québec. Ah oui. Alors, là-dessus, ça finit mes nouvelles de jeux vidéo. Est-ce que vous en avez de votre côté? Moi, j'ai juste à dire que le Twitch de Pokémon Rouge est encore en train d'avoir lieu. Ils sont rendus à 6 jours. Ils sont rendus dans la base de la Team Rocket. Mais faut que tu expliques pourquoi. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi, là? Moi, je comprends. Okay. Là-bas, là. Ouais. En gros, il y a quelqu'un qui a pogné un ROM du jeu Pokémon Rouge et Bleu, l'a modifié pour prendre tout le chat log du monde pour faire jouer genre le plus de monde possible en même temps au jeu. Fait qu'en gros, t'as à peu près présentement t'as 91 000 personnes qui sont connectées puis ils font tout écrire des commandes A, B, up, down, left, right, puis le jeu prend ces commandes là puis fait jouer le joueur avec ça. Fait mais, que ça mais fait ça doit être un gros bordel. Ah, c'est oui, chaotique. Ça leur a pris 6 jours de gameplay pour se rendre à Team Rocket. Ça leur a pris 2 jours sortir de la Dark Cave. My God. Oh mon Dieu. Puis comme tu peux pas vraiment perdre au jeu, quand tu meurs, tu reviens dans un Pokémon Center. Ouais. Ben c'est juste une roue qui tourne. Puis ben dans l'eau t'as des trolls, fait que t'as du monde qui s'assure de faire perdre la personne. La game finalement, fait que là la dernière fois ils ont perdu 3 personnes, ils ont releasé 3 Pokémon d'affilée, dont le Charmander qui avait évolué en Charmeleon. Wow. Donc c'est vraiment quelque chose à voir, c'est vraiment intéressant là, ça vaut la peine de regarder ça. Là si tu dis c'est que 91 000 personnes qui jouent sur un seul Pokémon sur un seul player. Ouais. Ok. C'est écœurant. Je veux le lien de ça, faut que j'aille voir ça. Je vais mettre le lien dans le chat. Oh my God. C'est. Moi, j'ai regardé peut-être 2 minutes tantôt, puis c'était déjà chaotique parce que tu voyais, genre, que la plupart du monde essayait de faire fuir le gars, mais le Pokémon Trainer, mais c'était comme. Mais non, je veux pas, là, tu sais. Il est en train de se battre contre Ekans, tu sais. My God. Oh là là. C'est là, là. Ah oui, merci en passant à Antithèse qui m'a envoyé des nouvelles côté jeux vidéo. Merci beaucoup, Antithèse. Ce moment de malaise est présenté par Antithèse. Et il est capable de le faire tout seul. On passe à toi. Oui, ça sera pas très long. Alors, il y a eu un Kickstarter qui vient d'apparaître qui s'appelle Opération Akumajo. Qu'est-ce que Opération Akumajo? Ben, c'est un jeu de Castlevania qui était censé être créé dans les années 90. Qui se passe en 1999 et qui s'est développé par des développeurs indépendants. Donc, si vous aimez les clones un peu de Castlevania, ça peut être le genre de jeu qui pourrait vous intéresser. Alors, si vous voulez aller voir sur Kickstarter, c'est Opération Akumajo. Autre nouvelle également, la PlayStation 4 qui se vend 5,3 millions. 5,3 millions de consoles. Ok, attends une minute là. Il y a une différence entre une console qui se vend 5,3 millions et 5,3 millions. Alors, il y a 5,3 millions. Les boutons et les diamants. C'est ça. En sortant, lorsque vous partez de la console, elle vous chante une sérénade. Ça pourrait être drôle. Mais il y a 5,3 millions de PlayStation 3 qui ont été vendus depuis la sortie de la console en novembre dernier. Pas surprenant. Ils sont où les jeux? Hein? Ils sont où les jeux? Il n'y en a pas de jeux. Là, je vais dire la même chose de Microsoft et de Nintendo. Les gars, sont où vos jeux? C'est comme en ce moment, cette génération-ci, c'est le monde cherche les jeux. C'est ça la différence. Ah! C'est peut-être le juste, c'est de chercher les jeux. On a juste pas compris, non? Ah, peut-être. C'est ça, ouais. C'est ça le but du jeu, finalement. C'est de trouver des jeux. Ah! autre nouvelle également, le studio qui s'occupait de Bioshock, Irrational Games, vient de fermer. C'est eux autres qui avaient fait une excellente série Bioshock. Le créateur du studio, Ken Levin, a dit qu'il décidait de se convertir plutôt à des jeux plus petits et qui pouvaient permettre d'avoir une meilleure histoire finalement. Il faut écrire des histoires plus chargées en dialogue puis en information. Alors, plus de Bioshock pour le moment, à moins que le détenteur de la licence 2K décide de le donner à une autre compagnie. Alors, et moi j'ai une dernière nouvelle. On adore les nouvelles sur les Simpsons. Alors, l'épisode 550 des Simpsons va s'appeler Brick Like Me. Et ça va être un épisode où Homer va tenter de s'échapper d'un monde fait en Lego. Alors, on va véritablement voir les Simpsons en Lego tout le long de cet épisode-ci. C'est pas dit si c'est en stop motion ou si c'est fait en animation 3D comme le film de Lego. Mais j'ai hâte de voir cet épisode-là, juste de voir quelle connerie qu'Homer peut faire avec des Lego. C'est un stunt pour le set de Simpsons qui va sortir en Lego bientôt. Mm-hmm. Ah, makes sense. Ah. Alors, est-ce qu'on fait un pause sur un gag de Minecraft? On va aller voir nos fans en ce moment qui nous jasent sur YouTube. C'est actif à soir, il y a beaucoup de monde qui parle. Ouais. Oui, c'est vraiment cool. On dit bonjour en passant à Vitendo. Hey, salut man! Cette présentation du chat est présentée par Vitendo. Vitendo, parce qu'il y en a une maudite bonne collection. Oh! J'avais pas idée. Vitendo dit que la Dreamcast était due pour être plus puissante qu'une PS2. On va en jaser un petit peu plus tard. Sur Cosplay Magic, le costume le plus dispendieux coûte 600$, selon Kevin Dory Poudrier. Je ne mettrai pas 600$ dans un costume. Je suis sûr qu'il y a du monde qui met bien plus que ça. Ah, ben c'est ça. 600$, sérieusement, pour ce que j'avais vu sur des affaires, c'est pas si cher, je n'ai pas convaincu. Moi, je viens du monde des grandeurs nature, puis je connais du monde qui ont mis dans les 2000$ juste pour leur set, là. C'est... Ah, 2000$, c'est pas encore cher, là. Ouais, 2000$, t'as pas la spin full plate, là, c'est genre une armure de plaque de base. Hein. Ou de cuir, il y a de cuir ben gravé dedans, je l'avais vu une à 1800$, là. Mm-hmm. Ça donne du beau, mais bon. C'est que ça reste. Ben, c'est une passion, c'est un investissement à long terme. Là. C'est ça. C'est, tant qu'à mettre ton argent dans quelque chose, ben, tu le mets dans ta passion. Puis bon. Il n'y a pas vraiment de limite à l'argent que tu mets dans ta passion. Non, créez moins. Dans ma passion à moi, j'ai dépensé sans compter. Et souvent, Alpha me le répète assez. je te comprends. Mais non, c'est une joke, mon Alpha. Non, c'est vrai. C'est pas une joke pantoute, c'est vrai. On a notre cher Antithèse qui dit d'un simple commentaire, je ne sais que dire que Nintendo commence à se calisser de Metroid. Ceci dit, Samus mesure 6 pieds 3. Ceci dit, Metroid Fusion, Game Boy Advance sur les eShop, quand ça va sortir. Oh. Mmh. Ils vont se faire du cash pareil. Non, ça l'est. Mm-hmm. Et on a Retro Game Throwdown qui dit Geek Fest Québec, yay! Excellent. Alors, d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller voir le site web, c'est www.geekfestqc.net. www.geekfestqc.net. Alors, on va mettre le lien également dans la description de l'épisode. Alors, vous pouvez aller cliquer directement là-dessus pour pouvoir aller vous informer à propos du Geek Fest Québec. Donc, là-dessus, Alpha, est-ce que tu restes avec nous? C'est fini les nouvelles. Les nouvelles, oui. Ben, je vais vous quitter, malheureusement. Alors, bon dodo et bon travail demain à ta moprie. Ben, vraiment. Bonne soirée. All right, salut. Salut. À bientôt. Ciao. À plus tard. Alors, Julien, de ton côté, tu restes avec nous? Ben oui. Alors, Julien veut parler de Dreamcast avec nous autres, alors... Hey, vous tombez sur ma petite préférée, là. Moi, j'étais un ancien Sega fanboy, là. À ce point-là, OK. En passant, on a... Oui. J'ai eu le Master System. Ben, moi aussi, elle est là. J'ai eu ça. J'en ai une, elle est là, moi. C'est celle que j'ai passée à Alpha pour cette vidéo. Je sens qu'on est là pour ça. Ben... Mais j'ai une 32X et un Sega CD. J'avais une 32X. Je l'ai donné. Mais avais-tu le Sega CD? Oh, la Game Gear. Oh my god. Les symétries qui durent même pas une heure. Ouais. Mais moi, j'avais je sais pas si ça marche mieux avec des nouvelles batteries, ça, lithium, là. Mais l'écran, quand même, à l'époque, c'était un écran qui mangeait vraiment les batteries. Ouais, puis on voit c'est les premières rétroéclairées. C'est les premières rétroéclairées, je pense, hein? Ouais. Tu la Ligueur, c'est le petit module télé pour la TV en UHF. Mmh. Oui. Oui, je me souviens avec la petite... tu te rentres à la cassette et tu peux écouter la télé, là. À cette heure, ça sert plus à rien, là, parce qu'il n'y a plus de zone hertzienne. Ouais. Il n'y a plus d'onde pour ça. Alors, hein? Il Non, il n'y a plus d'ondes, Astor s'est rendu des ondes cellulaires. Ouais. Fait que là-dessus, on va partir avec la découverte de la Dreamcast. On va jaser de la Dreamcast, jaser de nos souvenirs, jaser des jeux qu'on a aimés, des jeux qu'on a détestés, et la console en général en tant que telle. Alors, la Dreamcast est une console créée par la compagnie Sega. Elle fait partie de la 6e génération. La date de sortie de la console date du 9 septembre 1999. Et je m'entends encore en double. Je sais que cette fois-là, c'est pas moi, j'ai pas changé mon son. Ouais. C'est étrange. En tout cas, c'est pas grave. Je vais voir si je peux arranger de quoi avec le montage audio. Alors, la console a été créée par la compagnie Sega. On en retrouve. La console s'est vendue à près de 20 millions de copies partout dans le monde. Ah non, 8,20 millions de copies partout dans le monde. Et elle a arrêté d'être produite en 2003. Ça fait mal de savoir que la console s'est terminée tellement rapidement. Puis le pire, c'est que c'est même pas à cause des ventes. C'était vraiment une question de bourse, si je me souviens bien. Ah ouais. Un peu de la faute à Microsoft aussi. Un peu pas mal. Mettons que Microsoft, quand ils ont décidé de sortir la Xbox, ça a fait mal un peu. C'est parce que c'est... Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, la Dreamcast, c'était un joint venture, c'était un projet commun de Microsoft et de Sega. À un moment donné, le problème, c'est que Microsoft est parti avec la moitié des meubles. OK. Dont le gars qui a fait la manette, vous remarquez, la première d'Xbox et la manette de la Dreamcast, c'est le même type. ce qui est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, Sega s'est ramassé avec une demi-console, a sorti la Dreamcast, qui était déjà en avant de son temps quand même. Microsoft est parti développer l'Xbox de leur côté. La même que l'Xbox est sortie, par contre, ça a comment planté les ventes de Sega, parce que moi, on avait peur, les investisseurs sont mis à vendre les actions, vendre. Puis Sega, pour s'en sortir, a décidé qu'il simplement cessait de faire des consoles et se concentrait sur les jeux vidéo. C'est la seule façon de sortir. OK. Dis-moi, c'est ce que j'en sais. C'était pas seulement 100% vrai. Ben, merci beaucoup de nous avoir renseigné. Je t'avoue que moi je pensais que c'était la grosse compétition entre les consoles qui ont vraiment... Je veux pas, c'était quand est arrivé, le monde attendait après la PlayStation 2, le monde attendait après la GameCube, le monde attendait après la Xbox. Mais la Dreamcast a tenu la PS2 pendant un petit bout, sérieusement, là, pendant presque un an, là, ça l'a tenu, là. Mm-hmm. Tout à fait. Ok, technologiquement, t'es pas aussi avancé. Roulait sur CD au truc DVD. C'est sûr que sur un CD, tu rentres beaucoup moins d'informations que sur un DVD. Mais elle a tenu son bout pendant un certain temps. Là. La petite Dreamcast, la console qui voulait vivre. Mais ce qui l'a achevé vraiment, c'est la bourse. Mm-hmm. Spéculation power. Ben, en fait, c'est surtout quand ils ont annoncé que Sony a annoncé qu'elle allait faire la PlayStation 2, ça a commencé à chier dans le dash. Ouais. Le problème de Sega, ça a toujours été ça, c'est trop de bonheur tout le temps. Sortir tout le monde tout le temps avant tout le monde, puis se faire avoir. Ça a été fatal cette fois-ci pour ce qui est des consoles. C'est quoi vos premiers souvenirs de la Dreamcast? Moi, j'en ai pas beaucoup, parce que j'ai pas vraiment eu de Dreamcast, puis j'ai pas vraiment été un gros fan de Sega en tant que tel. Mais moi, je me souviens jouer avec mes amis à Power Stone. Oui. Je jouais à Power Stone un peu. J'avais découvert Dino Crisis à cause de Dreamcast aussi. Désolé. Puis Grandia 2. Ah non, Dino Crisis, je l'ai aimé. Oui. J'ai encore la copie PS1 chez moi. Ah, je suis pas capable. Le jeu est très difficile, par exemple. Ça, faut que je le dise, il est vraiment difficile. Le premier. Je parle pas des autres. Les autres, c'est pas dans ma mémoire, sont effacés, ils existent pas. Mais, ouais, c'est ça. Fait que Dino Crisis, Power Stone, Grandia 2 aussi, j'ai joué à Grandia 2 sur la Dreamcast, mais je te dirais que mes connaissances de la console en tant que telle là, sont très limitées, parce que justement, j'en ai jamais eu chez moi, puis Sega a jamais été dans mon cœur en tant que tel. Pas que je les déteste, mais je les aime pas non plus pour autant. Je suis neutre. Ok. Julien, de ton côté? De mon côté? Moi, le premier Soul Calibur. Qui était sur la Dreamcast, qui était à ce moment-là vraiment un exploit technique. Là. C'est, j'étais en amour avec ce jeu-là. Après ça, il y a eu Grandia 2, qui était pas mal mon retour au JRPG en tant que tel. Je n'avais pas joué beaucoup depuis Final 7. Je suis tombé dans Grandia 2. Seul problème, la fin qui est extrêmement facile, mais assez épique comme petit jeu, fortement recommandé. Mm-hmm. Ensuite, le jeu de Berserk, il y avait beaucoup de jeux d'animés qui étaient sortis à l'époque, une époque où j'écoutais beaucoup d'animes. Oui. Donc, il y avait eu le Record of Lodoss War, qui était un Diablo-like, qui était excellent, qui patchait des trous dans l'histoire. Ce qui était encore plus le fun, t'avais un Berserk qui est un slash-em-up ultra-violent. T'avais un jeu de Gundam qui est un simulateur, ce qui est intéressant parce que c'était un extrêmement difficile. L'histoire était quand même cool, c'était très basic, là, mais c'était pas vrai qu'on avait un simulateur d'autre chose à part la série X-Wing vs. TIE Fighter sur PC, de quoi on a un peu de fantastique. J'avais aimé ça beaucoup. Shadow, ton côté? Moi, c'est surtout chez mon ami qu'on avait vu les Sonic Adventure, que c'est des jeux qu'on a joués pendant je sais pas combien de temps, qu'on a recommencé juste pour le plaisir. Tout ça, c'est surtout ce jeu-là que moi je me rappelle, parce que ça fait quand même assez longtemps. Ok. Jug, de ton côté? Moi, mes seuls souvenirs d'un Dreamcast, c'est quand j'ai découvert la série Resident Evil. Ok, ok. Fait, en code de Renka est excellent. Non, c'est Nemesis qui m'avait fait planté solidement. Fait que, non, c'est ça, on va partir genre là. Fait que Jug, tu nous as dit comme quoi que de ton côté, t'avais pas. À part quelques jeux de Resident Evil, t'as pas réellement joué avec la console en tant que telle. Non, pas vraiment. C'est un de mes chums qui l'avait. Puis moi, j'avais jamais vu Dreamcast de ma vie. Puis je connaissais pas Resident Evil à l'époque. Puis, ben, il y avait lui, Resident Evil 3, puis Code Veronica, puis c'est 3. Et je fais, Resident Evil, c'est ton meilleur! Ça fait peur, tout le Grâce à lui, t'es enfin devenu l'homme que tu es présentement. C'est bien ça? Ouais, l'homme, on va dire. qu'est-ce que vous avez aimé le plus de cette console-là? Vu que moi, je suis plus... je tombais un peu plus fan Xbox, c'est la manette. Vraiment, comme qui disait que ça avait été un départ de même. J'avais vraiment aimé l'ergonomie de la manette, comment elle était faite, tout ça. C'est vraiment quelque chose de tout complètement nouveau. Qui nous sortait à peu près par rapport avec ça, puis j'avais vraiment adoré ça. Ok. Ce qui était pas mal, c'est ton côté? Les cartes de save. Les cartes de save qui étaient une des premières qui s'enlevaient, à part la PS1, oui. Là. Mais on pouvait même jouer à certains jeux, à le Tamagotchi avec. Oui, puis t'avais surtout c'était des petits jeux, en plus, selon certaines saves que t'avais des jeux, des mini-jeux différents. Je pense pas. Ou bien t'avais des informations également. Ouais, aussi. On peut dire que c'est l'ancêtre du G15. Des claviers G18. C'est l'ancêtre de la Wii U. Ouais, dans un sens. Dans un certain sens, oui. Très, très vague, là. Ouais. Mais ce qui était le fun, c'est le bruit d'aspirateur quand tu l'appartais. C'est vrai. J'ai vraiment vu le console faire autant de bruit qu'une Dreamcast. Mais c'est pas un bruit agresseur, c'est juste comme « Oh! » Tu n'as pas vu ta partelle, c'est comme « Oh, ça va gamer fort. » Puissance. Mais c'est à peu près un des seuls écrans de bienvenue que tu avais sur la Dreamcast qui me donnait, tu sais, comme une petite chair de poule, comme « Oh, nice. » La seule autre qui m'a fait ça, c'est la PlayStation 1. Moi, quand je parle d'un veilleux, j'ai pas ce sentiment. Maintenant, je sais pas, je suis pas une balayeuse, je me rappelle de ma Dreamcast. Quel des souvenirs. si. Mais je pense que c'est surtout Ouais, vas-y. La Dreamcast, c'est un peu le syndrome Nintendo. C'est pas beaucoup de jeux, mais beaucoup de petits slipper hits. Fait que, comme t'avais Pirate of Arcadia, t'avais Grandia 2, t'avais beaucoup de petits jeux matures qui ont moins été connus, mais que c'est des classiques oubliés, un peu des trésors cachés. Mm-hmm. C'est ce que j'aime beaucoup de la Dreamcast. Oui, c'était. Il y a tellement de petits jeux, de bons jeux, on va en parler un peu plus tard, mais autant que de la part de Sega que d'autres petits studios qui nous ont fait vraiment des très très bons jeux. Toi, Joe, t'as pas eu ben la chance d'y jouer réellement. Est-ce que t'as quelque chose en particulier que t'as quand même aimé de cette console-là? J'irais plus avec le côté du Shadow, là, la manette. La Xbox originale, j'adorais la grosse manette. Fait que je te dirais d'avoir une grosse affaire à donner dans mes mains, là. C'était vraiment agréable. Mais sinon, en tant que tel, j'ai pas vraiment grand chose à dire. Mis à part que Grandia 2, c'est la version qui a zéro lag. Donc, je donne ça à Dreamcast. Autre aspect, j'aime bien de la console Dreamcast en tant que gars qui avait pas d'argent pour s'acheter des. Pour aller au cinéma. Je me gravais des films là-dessus. Oui. C'était une des premières consoles où tu pouvais mettre des films en CD. Alors, par exemple, moi, j'avais fait le Seigneur des Anneaux. J'avais 3 CD de Seigneur des Anneaux pour une heure chaque CD. Puis je me tapais Seigneur des Anneaux. Puis c'était une qualité qui était quand même comparable à celui du DVD, je dirais, à l'époque. C'était vraiment cool. Sega avait en VCD. Puis t'avais, écoute, les émulateurs là-dessus, sur cette console-là, il y en avait des tonnes puis des tonnes. Tu voulais jouer à des jeux de NES, de Super NES, tu pouvais quasiment tout jouer là-dessus. C'était vraiment cool. On va se rappeler des bons points qu'il y avait sur cette console-là. Il faut dire que la Dreamcast, c'est une des premières consoles qui était venue avec un modem 56K. Est-ce que vous avez eu le temps de jouer avec la fonctionnalité online de cette console-là? Non. Moi, j'ai eu le temps de jouer une game de... si je me souviens bien, je pense que c'était Marvel's Capcom 2. Et ça jouait très bien. Les lags, il y en avait un peu, mais bon, on s'entend, c'est du 56K. C'était une des premières aussi. Fait que... Une des premières consoles qui venait avec un modem en plus. Mais c'était une bonne petite console de gaming. Et j'avais des chums dans le temps qui jouaient à Phantasy Star Online. Oui. Oh, oh my god. Je viens me rappeler, oui. Oh my god. Ils en ont pu passer du temps là-dessus, ce jeu-là. C'était incroyable. Des fois, je les voyais. Moi, je travaillais dans le temps dans un magasin de jeux vidéo au Jeux Express. Puis, genre, je les voyais arriver avec les chaînes, zut, là. Là, t'es comme, hey, man, qu'est-ce que t'as fait? T'es allé veiller hier? Non, j'ai resté à jouer à Phantasy Star Online. Merci, Sunshine. Je me rappelle. Puis, genre, il était vraiment comme hangover parce qu'il a trop bu de bière puis il a joué à Phantasy Star Online. Ah, c'était bon. Vos jeux préférés sur cette console-là? Sky of Acadia. Excellent RPG, tu peux-tu nous en parler un petit peu? Que j'avais aimé le nouveau style qui avait sorti de ce style un peu. Un Final Fantasy-like, je pourrais dire un peu. Mm-hmm. Avec une autre sorte de gameplay que j'avais beaucoup aimé. Avec les bateaux, les enfants de même, que j'avais vraiment trippé. Que je regrette d'avoir vendu depuis le temps, qu'il n'est plus retrouvable. Ouais. D'ailleurs, j'ai dit pirate, fait qu'il a dit tantôt, hein, je m'excuse tout le monde, ouais. Je suis nul. Ah, c'est correct. Mais c'était vraiment, je pense, une des premières fois qu'on pouvait contrôler autre chose que les protagonistes. Ben, à part être dans Final, je pense que c'était le 4 qui avait un bateau volant aussi. Ouais, c'était à rappeler un peu ça, mais on pouvait équiper le bateau, et on peut avoir des combats entre bateaux, c'était nice pour ça. Mm-hmm. Sauf que quand tu tombais dans le vortex devant, c'était sacré. Oui, vas-y. C'est ça, c'est qu'il y a une autre affaire, comme je disais, avec le bateau, qu'il y a une affaire qui était le fun aussi. On pouvait vraiment modifier le combat qu'on voulait, tout dépendant de les personnages qu'on pouvait mettre dessus, les équipages et tout ça. Fait que ça... Et ce que j'aime. Une autre petite affaire, c'est bien ça à dire qu'à jamais, on avait notre propre base qu'on pouvait modifier avec. Mettre juste des décorations. C'est une affaire que c'est niaiseux, mais j'avais passé juste bien du temps à faire avec ça. T'en as perdu du temps finalement, c'est ça que t'es en train de nous dire? Ouais! Toi, Julien, ton côté, ton jeu qui t'a le plus marqué? C'est dur à dire. Je dirais que j'ai plus joué, c'est probablement c'était Soul Calibur. Ce qui m'a plus marqué, c'est un Tie en Grandia 2 et Jet Grind Radio. Mm-hmm. Qui était à l'époque complètement original, une espèce de Tony Hawk look-alike avec un aspect arcade. Mm-hmm. Il fallait s'échapper de la police, faire des graffitis un peu à gauche, à droite, tout en faisant des passes. D'ailleurs, le jeu s'est retrouvé sur Xbox et Xbox 360 après, je me souviens bien. Mais à l'époque, c'était un peu révolutionnaire, c'était un gros n'importe quoi, c'était en cel shading, c'était quelque chose de spécial. C'est pas ce que j'ai pu jouer, mais c'était vraiment, c'était autre chose. C'était unique, ça, c'était autre chose à l'époque. Mm-hmm. Mais Grandia 2, je pense que c'est lui qui a vraiment la plus grosse place dans mon cœur, à ce moment où j'ai tellement joué à ce jeu-là. Joe, ton côté? Comme je vous disais tantôt, ma collection de jeux Dreamcast est un petit peu désuète, mais Grandia 2, personnellement, j'ai vraiment adoré la série. Déjà, je suis un fan de Grandia. Ben le deuxième, je te dirais, c'est mon jeu préféré. Dans tous ceux que j'ai, auxquels j'ai pu jouer, Grandia 2 gagne la palme d'or. Mm-hmm. Jug, malgré que t'as pas eu la chance de jouer bien bien avec la Dreamcast, pour toi, ça va être les Resident Evil? Resident Evil 3, MS10, c'est Dreamcast. Il a joué à la console, on peut se rappeler, on peut se dire ça. Moi, j'ai un jeu que j'ai vraiment passé du temps fou là-dessus. C'est finalement, j'ai joué beaucoup à Marvel vs. Capcom 2. J'ai passé des nombres incalculables d'heures dans le Black Path au jeu Express, justement, à jouer à ce jeu-là. Et un jeu original à l'époque, quand c'est sorti, puis que c'était juste comme tellement niaiseux que ça était cool. Typing of the Dead, qui était sorti sur la Dreamcast, avec le clavier qui venait avec, et tu tapais les touches pour tuer les zombies. Il y avait ça, c'est rendu sur Steam, là. Oui. Là, c'est rendu sur Steam, mais la première fois que c'était sorti, c'était sur Dreamcast. Oh, ouais. Ouais. Ouais, c'était pour engager le monde à aller sur l'online avec le clavier. Mm-hmm. Puis c'était juste comique. Je vous l'avais compté, la shot, où est-ce que j'ai fait peur à mon ami pendant qu'il jouait à Typing of the Dead. Hein? Non. J'ai un de mes chums qui, on jouait au jeu Express à Joliette. Pour ceux qui sont déjà allés, c'est une salle noire qui s'appelle le Black Path. Puis d'habitude, t'avais un écran géant à l'intérieur avec un cinéma surround. Puis tu pouvais jouer à des jeux. Puis mon ami, ben, nous deux, on travaillait ensemble au jeu Express. Puis je le savais qu'il était là parce qu'en arrière, il y avait une vitre. Fait que tu pouvais voir c'est qui jouait. Puis là, je voyais mon chum. Là, je le voyais jouer à Typing of the Dead. Et je dis, hostie, je vais attendre. Je sais à quelle place qu'il est. Je sais que je vais lui faire un gros bain. Je poigne la porte. Ouah! Je vous jure, le clavier a monté. Il a volé, il a frôlé le plancher. Mm-hmm. Tellement qu'il a monté puis qu'il a redescendu. Mon chum me regarde. Mario me regarde. Jamais ça. Fais-moi plus Fait que oui, j'ai failli briser un clavier de Sega de Dreamcast à moi tout seul grâce à faire peur à quelqu'un. Mais on peut dire une chose, c'était vraiment marquant cette console-là. Malgré qu'elle a eu des difficultés à la fin, l'originalité, il n'y en a plus tant que ça, à part la Wii, mettons, là, qui a offert des nouveaux contrôles. On peut s'entendre que la Sega a apporté beaucoup d'innovations avec cette console-là? Oui. Body Amigo qui a pogné bien gros sur la Wii, c'est un jeu originalement de Dreamcast. Les petits maracas, là. Oui, oui. Excusez-moi. Excusez-moi pour ce petit moment. Oui, Somebody Amigo, ils ont sorti un jeu de tambour, je me souviens. Les Pop and Music sont sortis là-dessus également. Je me souviens également de... Écoute, Phantasy Star Online, juste dire, jouer du gameplay online. C'était nouveau sur une console. Oui, tu jouais en ligne sur l'ordinateur, mais sur console. Ouais. Avant, tu avais à 64 le PlayStation 1 qui avait rien. Puis tu avais Dreamcast qui s'est apparu avec un modem 56K. Puis tu pouvais jouer à des jeux. C'était vraiment magique. Et selon vous, qu'est-ce qui a causé réellement la perte? T'sais, on a jasé un peu au début. Là, on a dit que c'était la fluctuation de la bourse, là. Mais selon vous, qu'est-ce qui aurait causé ça? Ben moi, si je me fie à Wikipédia, ben c'est l'annonce de la PlayStation 2. C'était le début de la fin, ouais. Mettons que je pense... Mais surtout que le monde... On se rappelle à l'époque, là, moi, j'étais quand même adolescent, mais je jouais des heures incalculables sur la PlayStation 1, puis quand je savais qu'il y avait une PlayStation 2 qui s'en venait, j'étais prêt à aller faire la file pour aller m'en chercher une. Tandis que la Dreamcast, ça a qu'en fait... Hein? Une nouvelle Sega? C'est quoi ça? C'était Out of Nowhere quand c'est sorti, là. C'est ça, je pense qu'il n'y a pas eu assez d'annonces pour sa sortie, je crois. Je pense qu'il n'y a pas eu assez annoncé. Ça, puis ben, aussi que, comme Julien disait, c'est surtout les ressources financières que Sega n'avait pas comparativement à Sony, qui sont un géant ben, ouais. Dans tout, là. Fait que. Ouais, ouais. Tu vois, t'essaies de te battre contre ça, oublie ça, là. T'as pas les ressources financières, déjà que t'es déjà dans le. Dans la caverne. Mais, l'autre affaire aussi qui a sûrement peut-être pas aidé, c'est que très facile de pirater une PlayStation. Fait que des fois, il y a bien du monde qui voulait aller là-dedans comme « Ah, ben attends, on grave des jeux, tout ça, c'est pas facile, on peut graver ça chez nous, puis ils n'ont pas de même. Mm-hmm. » Ça peut avoir viré ça aussi, vu que la console était rendue populaire pour ça. « Ça coûte moins cher, on grave les jeux. » Mais non, la Dreamcast, t'as même pas besoin de la pirater pour pouvoir jouer à des jeux pirates. T'avais besoin d'un loader CD. C'était un programme que tu gravais sur un CD, que tu fais ton Dreamcast avec. Je suis pas innocent ici. Et on pouvait jouer après n'importe quel jeu, tu téléchargeais sur Internet dessus. D'ailleurs, c'est avec ça qu'on savait aussi pour rouler les émulateurs. Les accros de jeu se dissocient des propos de Julien. Il vous dit que vraiment pirater une console. C'est pas vraiment du piratage, mais... Je m'indique. C'est pas réellement du piratage, mais... c'est proche, là. Veux pas, on s'entend que... Il y a beaucoup de jeux qui sont sortis directement sur Dreamcast, mais genre au Japon, ils l'ont jamais reçu ici, fait que... Dans un sens, si tu voulais jouer ici, t'avais pas le choix. Oui, c'est ça. Ils ont vraiment que la Saturn, parce qu'ils ont tellement plus vendu au Japon que la moitié des jeux, ils ne voyaient pas l'utilité de les sortir ici. Donc, c'est un peu un coup de gun dans le pied de Sega qu'ils ont souvent fait. Là. Mm-hmm. Selon vous, qu'est-ce qu'il aurait fallu que Sega fasse pour améliorer sa console? Avoir plus d'argent. Être plus patient. Souvent, Sega a tendance à sortir la console le plus rapidement possible en pensant prendre le marché, en étant les premiers, puis finalement, ils se tiraient souvent dans le pied. Ouais, c'est vrai. Comme c'est Genesis bien. Versus Super Nintendo ou Super Famicom. On a sorti Dreamcast, le 32X, tout ça. Ça, c'est de patente que tu rajoutais par-dessus le Genesis. Ah, ça, c'était un bon monstre dégueulasse. Avec le 32X, le 32X, c'était pas une mauvaise idée en soi. Le problème, c'est qu'on sortit à certaines deux semaines après. Ça, c'était épais. Ouais. C'est comme, v'là une bébelle pour mieux ton Genesis, mais finalement, laisse donc faire, on sort de la bébelle plus haute la semaine d'après. Ça, c'était... J'étais comme... En tout cas, en tant que jeune consommateur à l'époque, j'étais un peu piste. Mais disons, je pense que quand ils ont vu qu'est-ce que ça donnait comme monstre à la fin, ils disaient, on va faire nos consoles, on va arrêter ça là. Mais t'avais le Sega CD à côté, le 32X par-dessus... Hey, je pense qu'il y avait trois power supply après cette affaire. Oui. Oui, c'était dégueulasse. Écoute, j'en avais un power supply pour la Sega, un power supply pour la 32X, puis un power supply pour la Sega CD. Je suis sûr que tu sortais dehors ton compteur d'électricité, il spinait, là. Ah, je me suis fait... Cette année-là, je me suis fait du bois chauffage, j'ai été correct, là. Il n'y avait pas de problème. Elle spinait assez rapidement. Non, c'est une joke. Mais c'était quand même gros, là. On s'entend, là, c'est des blocs, là, qui sont à peu près de, je vous dirais, la grandeur d'une main, là. Puis... Ah oui, c'était terrible. Trois de ta part, là. Il fallait que tu imagines ta power bar, plus t'as réussi à plugger la troisième dans le mur pour être sûr que tu sois correct. Ah, oh, c'était affreux. Je me souviens qu'il fallait que je fasse le choix entre le... Enfin, je me souviens que le choix en qu'est-ce que je débranche, les lumières ou ma console. Rendu là, là. Ben, je conseille aux viewers d'aller voir ces vidéos sur YouTube, voir qu'est-ce que ça donne. Vous allez nous comprendre. Mm-hmm. C'est quelque chose. Ouais. Avant de finir, je me demandais, selon vous, est-ce que Sega aurait pu sortir une Dreamcast 2? Non. C'était dans les plans, ce que j'ai vu, mais ils ont cancellé le projet assez rapidement là, quand ils ont vu que ça a commencé à se planter. Là. Ils ont sauvé les meubles, puis je pense qu'ils pourraient le faire actuellement, mais aurait-il pu le faire à l'époque? Non. Je pense, ouais, mais s'il le ferait, je pense qu'ils se planteraient d'aplomb parce qu'ils n'ont pas les assets nécessaires pour faire faudrait qu'ils se pognent Nintendo sur le casual gaming. Mais ça, dans le monde des consoles, avec Microsoft et Sony, oublie ça, là. Ça serait un compétiteur à Nintendo, je dirais. Genre, c'est ça. Ben, comme ça a toujours été. Ouais, ben, c'est vrai qu'ils restent avec ça. Sauf qu'ils ont un bel arrangement, à ce moment-là. On se souvient tous de la guerre Nintendo-Sega à l'époque. C'était épique à l'époque. J'ai vraiment... Ouais, tout le monde avait son opinion. Oui, puis moi j'avais beaucoup de misère à me trancher entre un pis l'autre. Surtout quand ta mère elle disait t'as le droit à une seule console, pis t'es comme ah, des bons jeux là, mais des bons jeux là. Ah, et ça rappelait des bons souvenirs. Mais juste pour vous dire que je pense que ça, le marché du Dreamcast est encore présent. Les consoles se vendent encore à des très bons prix. Et il y a même du monde qui font encore des jeux homebrew de Dreamcast récemment. Fait que juste pour vous dire qu'il y a encore du monde qui adore cette console-là après tant de temps, c'est vraiment cool. Je pense que cette console-là a un peu le syndrome James Dean. Elle est morte trop tôt. Fait que tout le monde est un peu le syndrome nostalgique avec. Effectivement. Là-dessus, je pense que ça va conclure notre podcast des accros. Je vais commencer avec Julien. Comment les gens peuvent te contacter sur les internets? Par Facebook, on peut simplement. On parle pour par rapport à GeekFest, par rapport à moi personnellement. toi mais, personnellement et GeekFest également. Hein? OK. Sur Facebook, cherchez Julien Materne. Simplement, M-O-T-H-R-N. Pour ce qui est de GeekFest, vous pouvez me contacter via et voir la page web www.geekfestqc.net, GeekFestQC en un mot, ou le Facebook GeekFest Québec. On est sur Twitter aussi, un peu moins actif. Sinon, mon email GeekFest, julien.materne, M-O-T-H-R-N, à geekfestqc.net. Merci beaucoup, Julien. Jonathan, de ton côté, comment on peut te rejoindre sur Internet? Vous pouvez me contacter sur le forum des accros des jeux. Mon nom de profil est John Vorpal. Je regarde mes messages tous les jours, donc vous pouvez me contacter là. Vous pouvez aussi également me contacter sur ma page web ou ma page Facebook à l'entredugeek.com. Encore là, je regarde tous mes messages tous les jours, donc vous pouvez me contacter de toutes ces façons-là. Shadow, ton côté, comment on peut te contacter? On peut me rejoindre sur la page Facebook de Shadow Zone Game, sur le forum des accros des jeux sur Shadow QC, et on peut me rejoindre aussi sur ma page YouTube du même nom, Shadow Zone Game. Jog, de ton côté? On peut me rejoindre sur ma chaîne YouTube, bien sûr, c'est là que mes vidéos sont, et je vous invite à aller sur ma page Facebook, en tapant Juste un Gamer. Et surtout, allez sur le site d'accrodesjeux.com. On va pouvoir discuter ensemble de sujets super intéressants. De mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir me contacter. Vous pouvez me contacter via le www.accrodesjeux.com. Dans l'onglet Contactez-nous, vous pouvez également me contacter via le forum des accros des jeux. Il y a également le Facebook des accros des jeux, facebook.com/accrodesjeux. Il y a le Twitter des accros des jeux, @commercialaccrodesjeux. Et il y a également le courriel. Et comme vous le savez, je vous donne le courriel de la semaine des accros des jeux. Alors, vous pouvez m'écrire à accrodesjeux@commercialgmail.com et je remercie la madame Charlene Sutton qui me dit « Good opportunity to save Terrific Pharmacy Store ». Ben, merci beaucoup de te soucier de ma santé. Alors, effectivement, je n'irai pas voir ton site internet que tu m'envoies, mais je te remercie de m'avoir écrit ceci. Mais si vous voulez vraiment m'écrire un beau courriel, vous pouvez y aller également à accrodesjeux@commercialgmail.com et je réponds à peu près à tout le monde qui me répond, qui m'écrit finalement. Désolé de ce petit lapsus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi, Julien, d'avoir fait partie du podcast. Alors, on rappelle les dates pour le GeekFest Québec. 5 et 6 juillet à Québec au Cégep Limoilou. Et les accros des jeux y seront. Alors, d'ici là, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Soyez présents avec nous la semaine prochaine. On va faire un podcast sur les Power Rangers. Est-ce que c'est encore Keten? Non! Non, ça ne l'a jamais été pour moi. Alors, d'ici là, c'était le Big Ben. Juste un gamer. Shadow QC. Joe. Pour le podcast des accros, merci beaucoup d'avoir été présent. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye. Bye.